Le vin des amants. Aujourd'hui l'espace est splendide, sans mort, sans éperon, sans bride, partons à cheval sur le vin, pour un ciel féerique et divin. Comme deux anges que torture une implacable calenture, dans le bleu cristal du matin suivons le mirage lointain. Mollement balancé sur l'aile du tourbillon intelligent, dans un délire parallèle, ma sœur, côte à côte nageant, nous fuirons sans repos ni trêve, vers le paradis de mes rêves.